faire comment si tu casses la tête à chaque fois que je sors? Hey, tu regardes mon phone tout le temps, qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, c'est quoi le blème maintenant? Ça fait deux fois, hey, je sais pas si je garderai le sang-froid tout le temps. C'est toi ma femme, mais me pousse pas à bout, sinon nous c'est mort. Bolingo, cette fois j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Le dilemme bébé c'est pour toi. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Bolingo, cette fois j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Le dilemme bébé c'est pour toi. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. J'crois que t'as pas compris tout ça, faut que t'arrêtes. C'est la bonne cette fois-ci ou bien faut que je répète. J'essaie de te suivre, me rends compte qu'en fait tu sais pas ce que tu veux mais tu te plains quand même. Posé dans le calme, pourquoi tu t'inquiètes? Tu parles de mes ex des années qu'elles sont sur le deck. Moi je pense qu'au futur charbonne pour que ça pète. Pendant ce temps-là sur mon passé toi t'inquiètes. J'ai pas signé pour ça, non non. T'as pas fait les bons choix, non non. Peux pas t'aimer comme ça jamais. T'as pas fait les bons choix, non. Bébé, moi j'aime pas ça. Si je pars, je te jure, tu me revois pas. Bébé, moi j'aime pas ça. Si je pars, je te jure, tu me revois pas. Bébé, on va faire comment si tu casses la tête à chaque fois que je sors? Tu regardes mon phone tout le temps. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, c'est quoi le blé maintenant? Ça fait deux fois, et je sais pas si je garderai le sang-froid tout le temps. C'est toi ma femme, me pousse pas à bout, sinon nous c'est mort. Bolingo, cette fois j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Le dilemme bébé c'est pour toi. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Bolingo, cette fois j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Le dilemme bébé c'est pour toi. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Tu fais comme si tu me connaissais même pas. J'ai le sang chaud bébé, moi j'en du bendo. Des efforts tu le sais j'en fais trop. Quand y'a blême froid pour toi je surveille mes mots. L'attention je t'en donne, tu bois rien. De l'eau dans le vin j'en ai mis mais en vain. M'en aller ton amour je le sens moins. Mais je me retiens si je démarre y'aura pas de frein. J'ai pas signé pour ça non non. T'as pas fait les bons choix non non. J'peux pas t'aimer comme ça jamais. T'as pas fait les bons choix non. Bébé, moi j'aime pas ça. Si je pars, je te jure, tu me revois pas. Bébé, moi j'aime pas ça. Si je pars, je te jure, tu me revois pas. Bébé, on va faire comment si tu casses la tête à chaque fois que je sors? Tu regardes mon phone tout le temps. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, c'est quoi le blé maintenant? Ça fait deux fois, et je sais pas si je garderai le sang-froid tout le temps. C'est toi ma femme, et me pousse pas à bout, sinon nous c'est mort. Bolingo, cette fois j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Le dilemme bébé c'est pour toi. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Bolingo, cette fois j'en ai marre. Soit tu changes ou c'est moi qui pars. Le dilemme bébé c'est pour toi. Soit tu changes ou c'est moi qui pars.